إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, bienvenue à vous pour cette nouvelle série de cours dans laquelle nous allons étudier ensemble, de manière concise et résumée, les règles du jeûne. En effet, comme vous le savez, nous approchons du mois béni de Ramadan et il convient aux musulmans de ne pas laisser ce mois arriver en étant ignorant de ce qui lui incombe durant ce mois. C'est donc pour cela que j'ai choisi de faire ces assises, afin que nous puissions apprendre et réviser ensemble les règles du jeûne et que nous puissions mettre en pratique cette adoration immense avec science et clairvoyance, bi'idhnillahi ta'ala. J'ai choisi pour support de ces cours un livret que j'ai traduit il y a déjà plusieurs années, qui est disponible sur le site au format PDF, et qui est intitulé « Jurisprudence du jeûne simplifié ». Et ce livret, il est extrait du livre intitulé « La jurisprudence simplifiée à la lumière du Coran et de la Sunnah ». Et pour ceux qui ont l'habitude de suivre les cours avec nous, vous savez que nous avons déjà étudié les chapitres sur la purification et la prière tirés de cet ouvrage. Et c'est un livre composé par un groupe de gens de science du Royaume d'Arabie Saoudite, est préfacé par l'honorable Cheikh Saleh Ali Cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et ce livre se distingue par sa simplicité et sa clarté. Une simplicité et une clarté qui le rendent accessible à toute personne parmi les musulmans, de sorte à ce que chacun puisse en tirer profit. C'est donc un support idéal pour avoir un aperçu global de ce que nous devons savoir au sujet du jeûne. Et ce livret, il se divise principalement en 5 chapitres. Le premier que nous allons commencer aujourd'hui est une introduction sur le jeûne, dans lequel nous allons voir notamment sa définition, ses piliers, son jugement, ses sagesses, et ainsi de suite parmi les questions qui sont traitées dans cette introduction. Le deuxième concerne les excuses permettant de rompre le jeûne et ce qui annule le jeûne. Dans le troisième, nous verrons les choses qui sont recommandées et celles qui sont détestables durant le jeûne. Dans le quatrième, nous verrons les règles qui sont liées au rattrapage, ainsi que les jeûnes recommandés, détestables et interdits. Et enfin, dans le cinquième, nous verrons les règles de Zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture, qui est une aumône qui a un lien direct avec le jeûne de Ramadan. Et c'est pour cela que l'on a ajouté ce chapitre à ce livret. Donc comme je vous l'ai dit, ce livret est disponible au format PDF et on vous a mis le lien dans la room pour ceux qui veulent le télécharger. Et je vous invite à l'imprimer pour ceux qui en ont les capacités et de prendre des notes afin de pouvoir profiter de la meilleure manière, Inch'Allah ta'ala. Ils ont donc commencé en disant « Introduction sur le jeûne ». Et dans ce chapitre, nous allons traiter 7 questions. La première concerne la définition du jeûne et l'énoncé de ses piliers. Sa définition. Dans la langue arabe, le jeûne, as-siyam, désigne le fait de s'abstenir d'une chose. As-siyam, dans la langue arabe, cela désigne al-imsak, al-imsak ou anishay. Donc lorsque l'on jeûne, on s'abstient de certaines choses. Et le mot as-siyam, c'est l'abstention un imsak dans son sens général. Et on retrouve ce sens dans un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le verset 26 de Surat Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fakuli wa sharabi wa qarri ayna » « Mange, bois et réjouis-toi ». Il dit cela en s'adressant à Maryam alayha salam. « Mange, bois et réjouis-toi », c'est-à-dire « réjouis-toi » d'avoir eu le salut et d'être soulagé des douleurs de l'accouchement. Et réjouis-toi de la présence de nourriture et de boissons agréables. Ensuite, il lui dit, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا Et si tu vois quelqu'un parmi les hommes, فَقُولِ إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا Alors dis, j'ai certes fait le vœu d'un jeûne, d'un psaume, pour le tout miséricordieux. Donc on voit qu'ici qu'elle parle d'un psaume, elle parle d'un jeûne. Et quel est ce jeûne? فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيَّا Je ne parlerai donc à aucun homme aujourd'hui. Le jeûne de la parole. Car le fait de garder le silence faisait partie, chez eux, des adorations qui étaient légiférées. Et dans notre religion, ceci n'est pas légiféré, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en gardant le silence. Mais pour eux, c'était une adoration légiférée. Et quoi qu'il en soit, on voit à travers ce verset que le mot saum ou siyam signifie le fait de s'abstenir. Et ici, c'était le fait de s'abstenir de la parole. Ensuite, ils disent, et dans la législation, c'est le fait de s'abstenir intentionnellement, soulignez bien ce mot, intentionnellement, de boire, de manger et de tout autre annulatif du jeûne, à quel moment? Du lever véridique de l'aube, al-fajr, jusqu'au coucher du soleil, al-maghrib. Donc telle est la définition du jeûne dans la législation islamique. C'est le fait de s'abstenir. On retrouve ici le sens linguistique. S'abstenir comment? Intentionnellement. C'est-à-dire que tu t'abstiens pour vouer le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci ne concerne pas celui qui s'abstiendrait de manger et de boire en raison de l'absence de boisson et de nourriture. Ou celui qui s'abstiendrait de manger et de boire en raison d'un traitement médical ou pour un régime ou autre. Mais le jeûne dans la législation, il concerne celui qui s'abstient intentionnellement, c'est-à-dire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin de lui vouer le culte. Et on va revenir, inshallah, dans ce chapitre sur la question de l'intention. Donc on s'abstient intentionnellement de boire, de manger et de tout autre annulatif du jeûne. Et les annulatifs du jeûne, on les verra dans le chapitre suivant, inshallah, ta'ala. À quel moment doit-on faire cela? Ils nous disent, du lever véridique de l'aube, c'est-à-dire al-fajr, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire al-maghrib. Et observe ici qu'ils ont précisé le lever véridique de l'aube. Car l'aube a deux levées. Le premier lever est faux et mensonger, tandis que le deuxième est vrai et véridique. Et comment distinguer entre les deux? Le premier, c'est une lueur que tu observes à l'horizon et qui se dirige vers le haut puis disparaît. Tandis que l'aube véridique, c'est une lueur qui s'étend sur l'horizon et ne cesse de grandir jusqu'au lever du soleil. Donc dès que le lever véridique de l'aube est constaté, le jeûne commence. Et il continue jusqu'au coucher du soleil, qui correspond à l'entrée du temps de la prière d'Al-Maghrib. Et ceci a lieu lors de la disparition totale du disque solaire à l'horizon. Ceci est la définition du jeûne dans la législation islamique. Ensuite, ils ont dit ses piliers. Le jeûne, il a des piliers, comme les autres adorations. Ils disent, à travers la définition du jeûne dans la législation, il apparaît qu'il a deux piliers de base qui sont. Le premier est le fait de s'abstenir de tous les annulatifs. Le premier est le fait de s'abstenir de tous les annulatifs du jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc on a expliqué cela lors de la lecture de la définition. Et les annulatifs, comme on a dit, on les verra dans le chapitre suivant, Inch'Allah Ta'ala. Mais quelle est la preuve que ceci est un pilier du jeûne, que la validité du jeûne repose sur cela? Ils nous disent, la preuve de ce pilier est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ Cohabitez donc maintenant avec elle. Et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ puis continuez le jeûne jusqu'à la nuit. Et la nuit commence au coucher du soleil. Ils nous disent ici, ce qui est voulu par le fil blanc et le fil noir sont la lueur du jour et l'obscurité de la nuit. Et ça, c'est un point très important de comprendre qu'est-ce qui est visé par le fil blanc et le fil noir dans ce verset. Car lors de sa révélation, certains parmi les compagnons, radiyallahu anhum, ont compris ce verset d'une manière contraire à son sens. Et ils ont compris que ce qui était visé était vraiment la distinction entre deux fils, un fil blanc et un fil noir. Alors certains parmi eux prenaient un fil blanc et un fil noir, les mettaient sous leur oreiller, ou alors les attachaient à leurs pieds. Puis ils mangeaient et ils buvaient, jusqu'à réussir à distinguer entre ces deux fils. Dès qu'ils arrivaient à distinguer quel est le fil blanc et quel est le fil noir, alors ils arrêtaient de manger. Et la raison de cette compréhension erronée est qu'Allah subhanahu wa ta'ala au départ, il n'avait pas révélé le verset en entier, mais seulement « وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدُ » Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. C'est pour cela qu'ils ont cru que cela concernait réellement un fil blanc et un fil noir. Comme cela est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Sahal ibn Sa'd, radiyallahu anhu, qui nous dit, alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé min al-fajr, la suite du verset, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube, min al-fajr, du fil noir, c'est-à-dire le fil noir de la nuit. Alors à ce moment-là, ils ont su que ce qui était visé était le jour et la nuit. Et cette explication est venue de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le récit de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, qui était un de ceux qui ont eu cette compréhension du verset, qui prenait un fil blanc et un fil noir et les plaçait sous son oreiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce qui est voulu est seulement l'obscurité de la nuit et la lueur du jour. Donc en résumé, le premier pilier du jeûne est de s'abstenir de tout annulatif durant un laps de temps. Et ce laps de temps, il commence au lever de l'aube véridique, dès que l'on distingue le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Et il termine au coucher du soleil, à la disparition totale du disque solaire à l'horizon. Durant cette période, il est obligatoire de s'abstenir de tous les annulatifs que nous verrons dans le prochain chapitre, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, ils disent, le deuxième, c'est-à-dire le deuxième pilier, est l'intention. C'est-à-dire que le jeûneur s'abstienne de tout annulatif du jeûne, pour quelle raison? Dans le but d'adorer Allah. Cette intention, elle est indispensable pour que ton jeûne soit valide. Car le jeûne est une adoration. Et comme toute adoration, il nécessite une intention. Et ça, c'est d'une grande importance. Car, comme ils nous le disent dans le paragraphe suivant, l'intention permet aux œuvres dont le but est l'adoration de se distinguer des autres œuvres. On a vu que lorsqu'on jeûne, il est obligatoire de s'abstenir de boire et de manger. Et autre chose parmi les annulatifs. La question est si, n'est-il pas possible qu'une personne s'abstienne de boire et de manger pour d'autres raisons que l'adoration? La réponse est oui, cela est possible. Il est possible qu'une personne fasse cela pour faire un régime, par exemple. Ou alors, il est possible qu'une personne fasse cela pour un traitement médical. Ou alors, avant une opération. Avant une opération, qui nécessite une anesthésie, bien souvent, on demandera à la personne de venir à jeun. Donc, il va s'abstenir de boire et de manger. Mais est-ce qu'il est ici en adoration? La réponse est non. Donc l'intention, c'est elle qui va distinguer entre ses œuvres. Et ils nous disent, elle permet aussi aux adorations de se distinguer les unes des autres. Par exemple, demain nous sommes lundi, et vous savez qu'il est recommandé de jeûner le lundi. Et en plus de cela, nous sommes durant le mois de Sha'ban, qui est un mois durant lequel le jeûne est fortement recommandé. Quoi qu'il en soit, il se peut que certains parmi les musulmans jeûnent demain pour obtenir ces mérites, le mérite du jeûne du mois de Sha'ban, le mérite du jeûne du lundi. Et il se peut que d'autres jeûnent tout simplement pour rattraper les jours qu'ils ont manqués durant le mois de Ramadan dernier. Et qu'est-ce qui va distinguer entre le premier et le deuxième. Ce qui va distinguer entre eux, c'est l'intention. Donc l'intention, c'est un des piliers du jeûne. Ils nous disent, le jeûneur a donc pour intention dans son jeûne, le jeûne de Ramadan ou autre parmi les catégories de jeûne. Et les catégories de jeûne, on va les voir à la question 3 dans ce chapitre, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, ils disent, la preuve de ce pilier est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les œuvres ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Les œuvres, et parmi elles le jeûne, ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de lui, pour obtenir son paradis, par crainte de son châtiment, celui-ci l'obtiendra, inshallah, la récompense de son jeûne. Mais celui qui jeûne, par exemple, pour faire comme ses amis, il a des amis qui jeûnent, il veut jeûner avec eux, sans avoir pour intention de se rapprocher d'Allah. Ou alors d'autres qui jeûnent pour faire comme les gens dans la société dans laquelle ils vivent. Ou alors pour faire comme leurs parents, ou par contrainte, par peur de leurs parents. Alors ceux-là, ils n'obtiennent pas la rétribution du jeûneur. Car les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Et ça, c'est valable pour le jeûne et pour l'ensemble de tes œuvres par lesquelles tu espères te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi de cela sans cesse, car ceci est d'une grande importance. Et n'oublie pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est al-raqib. Il surveille tes intentions. Il est témoin de ton intention. Et il sait parfaitement ce que renferme ta poitrine, car il est al-alim. Il sait parfaitement toute chose et rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Tu peux cacher ton intention à tes amis. Tu peux cacher ton intention aux gens de ta famille, à tes voisins, aux gens qui t'entourent. Mais tu ne peux pas cacher ton intention à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car il sait parfaitement ce que renferme ton cœur. Donc lorsque tu jeûnes ou lorsque tu accomplis un acte quelconque par lequel tu espères te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, veille à purifier ton intention et à vouer cet acte exclusivement à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et lors de la 7e question, dans ce chapitre, que l'on verra certainement demain, Inch'Allah ta'ala, on va revenir sur d'autres questions et d'autres points qui sont liés à l'intention lors du jeûne. Ensuite, ils ont dit, deuxièmement, c'est-à-dire la deuxième question qui est traitée dans cette introduction, jugement du jeûne de Ramadan est la preuve de cela. On sait qu'il est légiféré de jeûner pendant le mois de Ramadan. Mais quel est le jugement de ce jeûne? Est-ce que c'est un jeûne obligatoire, recommandé? Qu'est-ce qu'il en est? Ils nous disent, Allah Azza wa Jal a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Il l'a prescrit, cela veut dire il l'a rendu obligatoire. Et en a fait un des 5 piliers de l'islam, comme on va le voir dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, comme le démontrent les preuves suivantes. Et nous ont mentionné 2 versets du Coran et 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykum siyam, le jeûne vous a été prescrit, c'est-à-dire il vous a été enjoint, rendu obligatoire. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux avant vous. La'allakum tattaqoun, ainsi atteindrez-vous la piété. » Donc on voit dans ce verset que le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a prescrit, et il l'a prescrit également aux communautés avant nous. Et ceci nous montre un des mérites du jeûne, qui est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, à tel point qu'il l'a prescrite à la communauté de l'islam, ainsi qu'aux communautés qui l'ont précédée. Et on voit également dans ce verset une des grandes sagesses et un des objectifs immenses du jeûne que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce à travers la dernière phrase de ce verset. La'allakum tattaqoun. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire que l'objectif du jeûne est de te faire atteindre la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas simplement une coutume, ne consiste pas seulement à ne pas boire et ne pas manger durant la journée. Mais ce jeûne, c'est une adoration. Et l'objectif de cette adoration est de te purifier jusqu'à te faire atteindre la piété. La piété qui consiste à se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant et aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala en les délaissant. C'est cela la piété. Tu te soumets aux ordres en les accomplissant et tu te soumets aux interdits en les délaissant. Et le jeûne, il a cet objectif. Car lorsque tu jeûnes, tu es censé te rappeler davantage de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. En effet, lorsque tu jeûnes, il se peut que tu te trouves seul dans une pièce, avec à portée de main, à boire et à manger, que tu désirerais consommer. Mais tu t'abstiens pourquoi? Car tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe. Donc tu ne t'en approches pas et tu les délaisses. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci t'habitue et te fait prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tes œuvres et qu'il t'observe constamment. Tu ne fais pas un mouvement, tu ne prononces pas une parole, tu n'as pas une intention sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. Donc de la même manière que durant les journées de Ramadan, tu vas délaisser la nourriture et la boisson pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout au long de l'année, durant le mois de Ramadan et durant les autres mois, il t'incombe de la même manière de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Parmi les péchés et les mauvaises actions, tu vas délaisser l'écoute de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit d'écouter. Tu ne vas pas porter le regard sur des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de regarder. Et ainsi de suite. Le jeûne doit te pousser à cela, et te pousser à te réformer, à te corriger, à te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de tes péchés, de tes mauvaises actions, à corriger tes manquements, à chercher à t'améliorer. Car avec le jeûne, bi'inillahi ta'ala, ta foi va augmenter. Tu dois donc profiter de cette augmentation de foi pour te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant des efforts dans les œuvres de bien, et en faisant également des efforts pour corriger tes manquements et délaisser tous les péchés et les mauvaises actions dans lesquelles tu pourrais tomber. Et entre dans le mois de Ramadan avec cette intention, l'intention de te corriger et de te réformer. Ne laisse pas ce mois entrer comme un autre mois, mais entre dans ce mois avec une intention sincère, une intention véridique, de te réformer, de te corriger, de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de tes péchés et de tes manquements, de tourner la page, de purifier ton cœur, de purifier ton comportement. Profite de ce mois pour t'entraîner à cela et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter et de t'accorder la réussite pour profiter de ce mois de Ramadan et pour persévérer dans ces efforts que tu vas entreprendre même après le mois de Ramadan. Car si tu fais cela, bi'idhnillah, tu vas atteindre la piété. Et une fois que tu as atteint cette piété, tu dois prendre garde à ne pas revenir en arrière, mais à rester ferme sur ses efforts, à continuer tes efforts dans les œuvres de bien et dans le délaissement des péchés. Donc ceci était une petite parenthèse au sujet de cet objectif immense du jeûne. Et ici, ce verset a été cité pour nous démontrer que le jeûne est une obligation. Et j'en mentionnais un deuxième verset qui nous montre plus particulièrement l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Et ils ont dit, et sa parole, « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la guidée et du discernement. « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُ » Donc quiconque parmi vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Quiconque parmi vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Le verbe est employé ici à la forme impérative, c'est-à-dire c'est un ordre, qu'il jeûne. Et la base dans la législation est que l'ordre indique l'obligation. Donc ce verset, qui est le verset 185 de Sourate Al-Baqarah, il nous démontre l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, ils ont mentionné un hadith et ils ont dit « Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam est fondé sur cinq. L'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'attestation qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison d'Allah pour ceux qui en ont les moyens. » Et ce hadith est rapporté par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc on voit dans ce hadith que le jeûne du mois de Ramadan fait partie des piliers sur lesquels l'islam est fondé. Et c'est le quatrième pilier, le jeûne de Ramadan. Ensuite, ils ont dit, Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhu, a rapporté qu'un bédouin aux cheveux ébouriffés vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, « Ô messager d'Allah, informe-moi de ce qu'Allah a rendu obligatoire pour moi comme jeûne. » Il répondit, « Le mois de Ramadan. » Donc on voit à travers cela que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Il dit ensuite, « Dois-je accomplir autre que celui-ci » C'est-à-dire, y a-t-il un autre jeûne qui est obligatoire pour moi ? Il répondit, « Non, sauf si tu le fais volontairement. » C'est-à-dire, sauf si tu jeûnes de manière surérogatoire. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Ensuite, ils disent, « Et la communauté est unanime sur l'obligation du jeûne de Ramadan, qu'il est un des piliers de l'islam, qui font partie des choses nécessairement connues de la religion, et que celui qui renie cela est un mécréant qui a apostasié de l'islam. » Donc la communauté est unanime sur l'obligation du jeûne de Ramadan. Et l'unanimité, c'est une preuve. Pour ceux qui ont suivi avec nous les cours sur la jurisprudence simplifiée lorsque nous avons étudié les règles de la purification et de la prière, le premier cours de cette série était une introduction sur l'étude du fiqh, une introduction sur l'étude de la jurisprudence. Et parmi les questions que nous avons vues dans ce cours, il y a les sources de la jurisprudence. Qu'est-ce qui est considéré comme une preuve ? Et on a vu qu'il y avait quatre choses. Le Coran, la Sunnah, l'unanimité de la communauté, et le Qiyas, l'analogie. Et pour ceux qui veulent plus de détails à ce sujet, je vous invite à revenir au premier cours de cette série, la jurisprudence simplifiée. Vous retrouvez les enregistrements en ligne sur le site. Donc la communauté est unanime sur cette question, sur l'obligation du jeûne de Ramadan. Il n'y a pas de divergence. Elle est unanime sur le fait que c'est un des piliers de l'islam. Et ces piliers de l'islam, ils font partie des choses nécessairement connues de la religion. Nul n'est censé ignorer l'obligation du jeûne de Ramadan. C'est pour cela qu'ils nous disent que celui qui renie cela, qui renie l'obligation du jeûne de Ramadan, qui dit non, le jeûne de Ramadan, il n'est pas obligatoire, ne jeûne que celui qui a envie. Même s'il jeûne, c'est un mécréant, il a apostasié de l'islam. Pourquoi ? Car il a renié son obligation. Et renier son obligation, cela revient à quoi ? Cela revient à démentir le Coran et la Sunna, et à s'opposer à l'unanimité de la communauté. C'est pour cela que cela relève de la mécréance. Ensuite, ils disent, l'obligation du jeûne est donc confirmée par le livre, c'est-à-dire le Coran, la Sunna et l'unanimité. Et les musulmans sont unanimes sur la mécréance de celui qui le renie, qui renie l'obligation du jeûne. Reste à savoir, pour qui le jeûne est-il obligatoire ? On a vu que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Mais pour qui est-il obligatoire ? Et la réponse à cette question, elle viendra dans le cinquième point de cette introduction, que nous verrons, je l'espère, dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala, qui concerne les conditions rendant obligatoire le jeûne de Ramadan. Avant cela, il y a deux questions. La troisième, qui concerne les différentes catégories du jeûne. Ils ont dit le jeûne se divise en deux catégories. Obligatoire, qui est celui qui t'incombe, et surérogatoire, celui que tu fais volontairement, pour te rapprocher davantage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on verra dans le chapitre 4, certains jeûnes recommandés. Ensuite, ils disent, et le jeûne obligatoire se divise en trois catégories. Il y a trois catégories de jeûnes obligatoires. Le premier est le jeûne de Ramadan, comme on a vu. On a vu les preuves de cela. Le deuxième est le jeûne des expiations, comme pour celui qui a tué une personne involontairement, par exemple, Allah nous en préserve, ou celui qui a prononcé un serment et ne l'a pas tenu, et ainsi de suite parmi les expiations qui sont légiférées. Cette expiation, lorsqu'elle incombe à la personne, elle relève du jeûne obligatoire. Et la troisième catégorie de jeûne obligatoire, c'est le jeûne imposé par le vœu, an-nadhr, qui est le fait de s'imposer à soi-même un jour de jeûne. Par exemple, demain c'est lundi, c'est un jeûne qui est surérogatoire. Mais si une personne dit « Demain, pour Allah, je fais le vœu de jeûner », alors ce jeûne devient pour elle obligatoire. On a traité cette question dans le livre de l'unicité Kitab ou Tawhid, qui contient un chapitre consacré exclusivement au nadr, au vœu. Et ils nous disent « Nous ne parlerons ici que du jeûne de Ramadan et du jeûne surérogatoire. Quant aux autres catégories, c'est-à-dire le jeûne des expiations et le jeûne imposé par le vœu, elles seront abordées dans leur chapitre, Inch'Allah ta'ala. » Ensuite, ils ont dit, quatrièmement, le mérite du jeûne du mois de Ramadan est la sagesse pour laquelle il a été légiféré. Et nous verrons aujourd'hui seulement son mérite et sa sagesse, nous la verrons dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala. Donc ils ont dit son mérite. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque veille la nuit du destin, Laylat al-Qadr, c'est-à-dire en adoration, il veille en adoration, il prie, etc. avec foi et en espérant la récompense. Méditez bien sur ces deux conditions. Avec foi et en espérant la récompense. Ses péchés passés lui seront pardonnés. Et quiconque jeûne Ramadan, avec foi et en espérant la récompense, toujours les deux mêmes conditions, ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc dans ce hadith, on voit différents mérites du mois de Ramadan et de son jeûne. Parmi eux, il y a le fait qu'il y a dans ce mois différents moyens et différentes occasions de se voir pardonner ses péchés. C'est pour cela qu'il fait partie des plus grandes privations que l'homme atteigne ce mois, le mois de Ramadan, et ne se voit pas pardonner ses péchés en raison de son insouciance, de la dureté de son cœur, de ses nombreux péchés et de ses nombreux actes de désobéissance. Et ceci est une calamité. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Car il y a durant ce mois une multitude d'occasions de te voir pardonner tes péchés. Parmi elles, ce qui est mentionné dans ce hadith, le jeûne. Jeûner ce mois, c'est une cause pour te faire pardonner tes péchés passés. Également, veiller la nuit du destin. Cette nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et la simple présence de cette nuit durant le mois de Ramadan te montre le mérite de ce mois. Une nuit meilleure que 1000 mois. C'est une nuit immense. Celui qui veille durant cette nuit, qui prie, qui veille en adoration, dans la lecture du Coran, dans le rappel d'Allah, et qui fait cela avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc tu vois ici le mérite de ce mois, et le mérite du jeûne durant ce mois. Et on a dit ici qu'il fallait bien méditer sur les deux conditions qui sont mentionnées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit dans ce hadith, quiconque veille la nuit du destin, ses péchés passés seront pardonnés, quiconque jeûne Ramadan, ses péchés passés seront pardonnés. Car comme on a dit, il y a des gens qui seront privés de cela, qu'Allah nous en préserve, qui vont jeûner le mois de Ramadan et ne seront pas pardonnés, et ce pour différentes raisons. Et parmi elles, le fait de ne pas jeûner avec foi et en espérant la récompense. Jeûner avec foi, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu jeûnes avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu agrées ce jeûne qui t'a été prescrit. Tu es satisfait de cette prescription. Tu aimes le jeûne, car Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Et tu as foi en son obligation. Et tu espères la récompense. Cela veut dire que tu n'es motivé dans ton action que par la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on revient ici à l'intention, la sincérité. Voyez l'importance de la sincérité. Et des nombreux bienfaits desquels se privent ceux qui ne veillent pas à la purification de leur cœur et à l'examen de leurs intentions. Ses péchés passés lui seront pardonnés s'il jeûne avec foi et en espérant la récompense. On a mentionné tout à l'heure ceux qui jeûnent avec de mauvaises intentions. Ceux qui jeûnent simplement pour faire comme leurs amis, comme leur famille, par peur de leurs parents ou autres. Cela, ils ne jeûnent pas par espoir de la récompense. Pourtant, il se peut qu'il jeûne le mois de Ramadan dans son intégralité. Mais ce jeûne ne pourra pas être la cause du pardon de leurs péchés. Pourquoi? Car ils n'ont pas jeûné avec espoir de la récompense. Ils n'ont pas jeûné sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis des récompenses immenses pour les jeûneurs. Et ces récompenses, tu dois les espérer lorsque tu jeûnes. Cela doit te motiver à jeûner, afin d'obtenir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux jeûneurs. Ensuite, ils ont dit, d'après lui également, c'est-à-dire d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cinq prières, c'est-à-dire les cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi à l'autre, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au suivant, expie les péchés qui sont commis entre eux. Sans condition? Non, il y a une condition. À condition que les grands péchés soient évités. S'il y a un S à condition que vous pouvez retirer. C'est une faute de frappe. Donc on voit dans ce hadith le mérite des cinq prières, le mérite de la prière du vendredi et le mérite du jeûne du mois de Ramadan. Lorsque tu accomplis ces adorations les unes à la suite des autres, lorsque tu fais la deuxième après avoir fait la première, celle-ci est une cause pour expier les péchés que tu as commis entre la première et la deuxième. Tu fais la prière du Fajr, puis tu fais la prière de Dhuhr. Lorsque tu fais la prière de Dhuhr, ceci est une cause pour expier les péchés que tu as commis entre le Fajr et le Dhuhr. Et ainsi de suite pour l'ensemble des prières. Lorsque tu fais la prière du vendredi, puis que la semaine d'après tu retournes faire la prière du vendredi, celle-ci est une cause pour expier les péchés que tu as commis durant cette semaine-là. C'est une deuxième expiation. Tu as l'expiation quotidienne entre chaque prière, puis l'expiation du vendredi au vendredi. Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan. L'année dernière, tu as jeûné. Cette année, tu vas jeûner le mois de Ramadan. Ce jeûne, il va être une cause d'expiation des péchés qui ont été commis tout au long de l'année. Donc tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala est généreux, qu'il est bienfaisant, qu'il est miséricordieux, et qu'il nous a donné une multitude d'opportunités pour nous faire pardonner et expier nos péchés. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a précisé un point important. Il a dit, à condition que les grands péchés soient évités. À condition que les grands péchés soient évités. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette expiation, elle concerne les péchés mineurs. Quant aux péchés majeurs, pour te voir pardonner, il est nécessaire de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir sincère, en remplissant les conditions du repentir. Quant aux péchés mineurs, ils peuvent être expiés par ces adorations. Mais ils ne te seront expiés que si tu évites et que tu t'écartes des grands péchés. Quant à celui qui persiste dans les grands péchés, qui s'obstine à commettre des grands péchés, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors non seulement celui-ci est en grand danger, en raison du fait qu'il persiste sur un grand péché, duquel il lui incombe de se repentir, mais en plus de cela, il se prive de l'expiation de ses péchés mineurs à chaque prière du vendredi, à chaque jeûne du mois de Ramadan, et ainsi de suite parmi les causes d'expiation des péchés. Donc on voit ici l'importance de s'écarter des grands péchés, des péchés majeurs. Et des péchés majeurs, il ne faut pas penser que c'est simplement le meurtre, la fornication, la consommation d'alcool ou de drogue, et ainsi de suite, non. Cela, ce sont des péchés très graves, desquels il nous incombe de nous écarter. Mais il y a également des péchés majeurs dans lesquels tombent beaucoup d'entre nous, Allah al-Musta'an. Et notamment les péchés de la langue. Le mensonge, c'est un grand péché. La médisance, c'est un grand péché. La calomnie, le colportage, tout cela fait partie des grands péchés. Des péchés que beaucoup d'entre nous pensent insignifiants et qui sont commis du matin au soir et du soir au matin. Combien sont ceux à mentir sans se rendre compte de la gravité du mensonge? Combien sont ceux à remplir leurs assises de médisance, de calomnie? Combien sont ceux à pratiquer le colportage entre les gens? Et tu vois que ce bout de chair que tu as entre tes deux lèvres, il peut te mener à ta perdition. Par celui-ci, tu commets ces graves péchés. Et ces graves péchés, ils te privent de l'expiation de tes péchés mineurs. Donc vous voyez à travers cela, l'importance de sans cesse nous remettre en question et chercher à se réformer, à se corriger, à améliorer son comportement, à apprendre sa religion afin de savoir quels sont les péchés majeurs, pour pouvoir faire des efforts pour s'en écarter. Car celui qui ne sait pas quels sont les péchés majeurs, il se peut que il fasse des péchés majeurs à longueur de journée, sans même s'en rendre compte. Il les pense insignifiants. Et peut-être même qu'il espère que ceci soit expié, quand il prie, quand il fait ses ablutions, quand il jeûne, et ainsi de suite. Donc la situation n'est pas à prendre à la légère. Quoi qu'il en soit, ici on voit que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une cause d'expiation des péchés. Et ceci nous montre son mérite. Ensuite, ils ont dit, ceci est une partie de ce qui est rapporté au sujet du mérite du jeûne du mois de Ramadan. Et ces mérites sont nombreux. En effet, les mérites du jeûne de manière générale, ou les mérites du mois de Ramadan, ils sont très nombreux. Et il y a de nombreux textes rapportés à ce sujet. Entre dans cela le fait que durant ce mois, durant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées, les démons sont enchaînés. Également, parmi les mérites du jeûne, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à un de ses compagnons, « Je te recommande le jeûne, car il n'a pas d'équivalent. » Également le jeûne, il n'est pas délimité par un nombre particulier en termes de hasanat. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Toutes les œuvres de l'enfant d'Adam lui appartiennent, à l'exception du jeûne. Il m'appartient certes, et c'est moi qui en donne la rétribution. » Lorsque tu fais une bonne action, une hasana, celle-ci elle est décuplée. Elle est automatiquement multipliée par 10, jusqu'à 700 ou plus encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith Qudsi, sauf le jeûne, il est à moi. C'est moi qui en donne la rétribution. Également parmi les mérites du jeûne, il y a le fait que c'est une protection. Tu te protèges par le jeûne des péchés et des mauvaises actions, et tu te protèges du feu de l'enfer. Et également parmi les mérites du jeûne, il y a le fait qu'il intercédera pour celui qui le pratique au jour de la résurrection. Comme il est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur au jour de la résurrection. Le jeûne dira, ô Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et des désirs, laisse-moi donc intercéder en sa faveur. Et le Coran dira, je l'ai privé du sommeil durant la nuit, laisse-moi donc intercéder en sa faveur. Et ils intercéderont, alors, en faveur du serviteur. Donc ceux-ci sont certains, des mérites parmi les nombreux mérites du jeûne, et du mois de Ramadan qui ont été confirmés dans les textes du Coran et de la Sunna. Ensuite, ils ont mentionné la sagesse pour laquelle le jeûne a été légiféré, mais nous continuerons la lecture de ce chapitre lors du cours de demain. Inch'Allah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم